partant. Fais du sale à tous les cartons. On les blesse trop. Négro vert plus l'infini, les cartons. Vlad flacon quand le groupe lean. Ceinture Gucci, Cortez toute clean. Chaînes et négro, je découpe comme si je sortais de Brooklyn. Dans ma tête, argent, sexe, drogue, complot, c'est obsessionnel. Gangster et gentleman, négro. Noir et professionnel. Et tiens à chaque île, négro. Gros bout de caca, j'ai les blocs à chaque île, négro. Je suis sur Grand Line, j'augmente de niveau à chaque île, négro. Déterminé comme Leicester. Qui lui a vie comme Meister. Sur la prod, j'glisse comme kitesurf. Négro, je suis dans le complot. Des détournements de fonds humanitaires. Par les réseaux pédophiles jusqu'au trafic minerai uranifère. Dans leur rétro, tellement je suis loin devant. Je calcule mes trajectoires en fonction de s'il y a plus ou moins devant. Blackjack, ravitaille les points de vente. Négro, tu roules des ficelles, je roule des collages, des génétiques ou des clonages. Qu'on se plus de kérosène que pour 12 décollages. En D1, toi D3. Je regarde le jeu, je vois des proies. Shenzhen, à propos des lunettes, quartier comme à D3. Les négros, j'ai les mêmes piles que si j'étais dépressif. Seul découpe comme si j'étais 6. Pétasse pour que les gars, c'était 6. Équipe. Hein? Équipe. Hein? Yo. Chaque titre, audio hit. Fonce car aux opioïdes. Shenzhen, j'arrive vieux, plissé comme un Tokyo Heat. Elle se flemme pour les prods et les mix. À Dakar en train de chercher des licks. Négro, j'ai la dalle, il me faut le salaire d'un meneur de jeu chez les Knicks. Pour la sec comme un scientologue. Shenzhen et KLRH. Faut que la salle, je suis à propos des armes à feu comme la NRA. J'en ai marre tous ces négros, comme un suprémaciste blanc. Je vais barauder au bled dans une foraine de vieux racistes blancs. Quand je débarque, tu me connais. Soit j'apporte shit, soit j'apporte gaz. Au mix, je crache des flammes, négro, j'ai les techniques à porte gaz. Dans le compte, je veux descendre à Dio. Je suis comme Octet, comme Cabio. Rital comme Fabio. Galsen comme Sadio. Et je dors pas à cause du Alpraz. Fusil et CD comme si je fais du baltrap. La track dans la cuisine, je prépare du sale crack. Tu sais que j'ai les manuels petits. Maîtrise les boîtes auto comme les manuels petits. Tu rappes encore ta presse, l'âge des manuels petits. Très loin de la puissance maximale. Ils se brident des japonais comme une Maxima. Réflexe de pilotage de taximan. Non y'a personne dans le rétroviseur, j'aime. Nouvelle école, Freestyle Leon, et qui est proviseur. Chaîne, équipe.